Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Après avoir envoyé le premier satellite artificiel en orbite, le premier être vivant, la première sonde lunaire, le premier homme et la première femme dans l'espace, et après avoir fait la première sortie extravéhiculaire, l'Union soviétique se fait coiffer au poteau lorsqu'en juillet 69, les États-Unis envoient les premiers hommes sur la Lune. Telle était la teneur de notre première émission consacrée au programme spatial russe. Deuxième émission aujourd'hui, Salyut, Mir. L'Union soviétique a également de ce côté été précurseur. D'une station à l'autre avant l'ISS, comment a évolué l'ambition spatiale de ce pays devenu Fédération de Russie et quelles sont ses ambitions pour l'avenir. Programme spatial russe Station to Station, c'est le programme soviétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour poursuivre la narration de cette aventure spatiale venue de l'Est, nous avons le plaisir de retrouver Isabelle Sourbès-Berger. Bonjour. Bonjour. Géographe, vous êtes chercheuse CNRS et spécialiste des politiques spatiales et nous sommes en ligne avec Alain Siroux. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Isabelle, bonjour à tous. Directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace, avant de vous retrouver pour cette deuxième partie, on commence par l'actualité scientifique du jour et c'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal en France, les parcelles d'agriculture bio peuvent être contaminées par un pesticide volatile, le prosulfocarbe. Le prosulfocarbe est l'un des pesticides les plus répandus en France. C'est le troisième produit phytosanitaire le plus utilisé, notamment par les producteurs de céréales et de pommes de terre, avec 4000 tonnes vendues en 2019. Alors cet herbicide présente un grand potentiel d'émission par volatilisation. C'est-à-dire qu'après l'application, une fois que le tracteur a traité un sol ou des plantes, ce produit est émis vers l'atmosphère sous forme gazeuse. Ce ne sont pas des gouttelettes de pulvérisation. Il va ensuite se déposer sur d'autres parcelles par dépôt gazeux, mais aussi par la pluie. Car on peut avoir une contamination de l'eau de pluie qui va rabattre sur les surfaces les composés chimiques que l'on retrouve dans l'atmosphère. Alors, de nombreuses récoltes labellisées bio se retrouvent ainsi contaminées au prosulfocarbe et se voient donc détruites. Depuis 2017, la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, donne l'alerte sur ce produit. Carole Bedos est chargée de recherche à l'INRAE, dans l'unité mixte de recherche Écosys, dans les Yvelines. Comme tout produit, une fois émis dans l'atmosphère, et là, quand on parle de volatilisation, il est émis sous forme gazeuse, donc c'est un gaz, et s'il va se dégrader dans l'atmosphère, s'il va se interagir avec les poussières déjà présentes et les aérosols atmosphériques, qui vont faire qu'il sera soit sous forme gaz, soit attaché avec ces particules-là, et bien il va se dégrader plus ou moins vite et se disperser à plus ou moins grande distance. Et donc là, ce qu'on semble voir avec la question du prosulfocarbe, c'est qu'effectivement, il ne va pas se dégrader suffisamment vite pour disparaître très rapidement. Et donc, il pourra être transporté sur quelques centaines de mètres et donc arriver dans des zones où il n'a pas été appliqué. Le niveau de concentration va dépendre réellement de la distance à la source. Et donc, quand on s'éloigne des sources, la concentration va diminuer quand même. C'est une campagne qui a été menée récemment et qui a duré un an et on a hiérarchisé les produits à rechercher en priorité. Le prosulfocarbe en faisait partie. Effectivement, il fait partie de ceux qui sont le plus fréquemment détectés avec des concentrations qui peuvent être parmi les plus élevées dans l'atmosphère. Élevées pour les pesticides, c'est quelques nanogrammes par mètre cube. La communauté a identifié des leviers pour limiter les pertes par dérive, parce qu'avec des buses antidérives, avec un certain nombre de techniques d'application, on peut limiter ces pertes par dérive. Les tartes par volatilisation, on est un petit peu plus démunis parce que c'est un processus qui se passe sur la durée après l'application et qui va dépendre d'un certain nombre de facteurs, comme les propriétés physico-chimiques des composés, comme les conditions pédoclimatiques qui vont évoluer dans le temps, et comme la nature de la surface traitée, si c'est la feuille, la plante. Du coup, la volatilisation est le résultat d'un ensemble de processus qui fait que, hormis pour l'instant ce qu'on peut appeler l'incorporation d'un produit dans le sol, ça on sait que c'est quelque chose qui va marcher, qui va diminuer le potentiel de volatilisation, mais on est un petit peu plus démunis, il faut jouer sur les produits, sur le caractère volatile des produits. On pourrait essayer de jouer sur les formulations, mais ça c'est plus complexe. Après, on peut essayer de jouer sur, une fois qu'il est émis, sur la dispersion dans l'environnement en essayant de limiter les distances de dispersion. Et ça, c'est un autre enjeu sur lequel il faut travailler encore un petit peu. Ça reste un challenge. Voilà, plus d'informations sur cette actualité, en l'occurrence la dispersion des pesticides sur les exploitations agricoles bio. Décidément, ça commence bien. C'est sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Vous pouvez retrouver plus tard sur franceculture.fr. Et on passe au bref. En France, la campagne de vaccination contre le Covid s'étend aujourd'hui aux adolescents. Oui, dès aujourd'hui, les enfants de plus de 12 ans peuvent se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Dans les centres de vaccination, il faudra présenter l'autorisation des deux parents, ainsi que le consentement du mineur. Si les formes graves et les morts dues au Covid-19 sont très rares chez les 10-19 ans, on compte 98 décès sur 1,1 million de cas, immuniser les adolescents permettrait de limiter la circulation du virus, de limiter les risques pour l'entourage et donc de freiner la propagation de l'épidémie. Et ce sera le thème des idées claires de demain. Faut-il vraiment vacciner les enfants? On vous postera le lien demain, comme chaque semaine, sur les réseaux sociaux de France Culture et France Info. En bref, toujours, une étude parue dans la revue IEEE, I3E, décrit une nouvelle méthode pour mieux traquer la pollution par microplastique. Et chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans nos océans. Des déchets que le soleil et les se charge ensuite de transformer en minuscules particules qui voyagent sur des milliers de kilomètres. Alors jusqu'à présent, pour traquer cette pollution, on s'appuie sur le chalutage avec des filets à plancton et par estimation, grâce à des modèles de circulation océanique. Des chercheurs américains viennent de créer une nouvelle méthode de traçage. Ils s'appuient sur les données d'un satellite, le CYGNSS, et sur des mesures radar de la rugosité de la surface de l'eau. Ils ont découvert que les concentrations mondiales de microplastiques varient selon les saisons, avec un pic l'été dans l'Atlantique Nord et le Pacifique. Et cette étude confirme également que l'embouchure du fleuve The Yangtze, en mer de Chine orientale, est bien une source majeure de ce type de pollution. Et pour finir, le nouveau magazine scientifique Epsilon vient de battre un record de financement participatif en France sur la plateforme Ulule. Oui, jamais en France on a vu un tel engouement sur la plateforme de financement participatif Ulule. Le 10 mai, les anciens journalistes de Science et Vie ont lancé une campagne de financement pour leur nouveau mensuel de 100 pages, Epsilon, pour une presse indépendante, exigeante, engagée et sincère, je cite. Depuis le 10 mai, plus de 24 000 personnes se sont mobilisées pour soutenir ce projet, avec plus de 46 000 préventes. Le premier numéro est désormais attendu, très attendu, dans les kiosques le 23 juin prochain. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Nous nous étions donc arrêtés peu ou prou en juillet 1969. Malgré une série de succès dans la course à l'espace, l'Union soviétique se fait doubler par les États-Unis qui arrivent à poser puis à ramener sains et saufs des êtres humains sur la Lune. La défaite symbolique et géopolitique est cinglante. Pourtant, le pays, malgré le décès de l'artisan de son programme spatial 3 ans plus tôt, Sergueï Korolev, n'a pas dit son dernier mot et lance dès la fin des années 60 dans la conception et dans l'envoi de stations spatiales orbitales. Malgré des ratés, des déconvenus et pas des moindres puisque le premier équipage à séjourner dans la toute première station spatiale russe Salyut sera tué par la d'intégration de la capsule de retour sur Terre, eh bien l'Union soviétique marque le pas et sa différence de l'aventure spatiale américaine dont les crédits vont être drastiquement rabotés dès le début des années 70. Retour donc au 16 octobre 1971, nous sommes dans les actualités de France Inter. Salyut, la station orbitale soviétique qui se trouvait dans l'espace depuis près de 6 mois, a été ramenée sur Terre. L'agence TASS, qui a annoncé la nouvelle hier soir, a simplement indiqué que Salyut avait, je cite, cessé d'exister. Il est vraisemblable qu'il s'est volatilisé lors de sa rentrée dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Pacifique. C'est à bord de Salyut, on s'en souvient, que 3 cosmonautes établirent le premier laboratoire spatial orbital habitable du monde, et ce, avant de trouver la mort le 30 juin dernier, dans le Soyouz 2 qui les ramenait sur Terre. Voilà, 16 octobre 1971, c'est une autre victoire, peut-être moins éclatante que les premiers êtres humains sur la Lune, mais c'est une victoire incontestable, une fois de plus, du programme spatial russe, Isabelle Sorbès-Verger. Oui, absolument. Et d'une certaine manière, c'est aussi la preuve que le programme spatial soviétique s'inscrivait beaucoup plus dans la durée, puisque en fait, à la différence du choix fait par la NASA, mais qui leur a aussi permis de gagner, hein, le programme Apollo, qui consistait à aller directement sur la Lune, au départ, les Soviétiques partaient du principe qu'il fallait faire une station spatiale en orbite circumterrestre et ensuite, à partir de cette station, imaginer des destinations multiples. Mais ça, c'était une vision de très long terme à laquelle ils avaient eux-mêmes renoncé devant les progrès américains. Alain Siroux, le début en fait, parce que on va procéder à un petit retour en arrière par rapport à l'émission précédente, parce qu'on avait effectivement visé la Lune. En fait, comme vient de le dire Isabelle Sorbès-Verger, ce programme de station orbitale, il est très ancien, il date même du début des années 60, en parallèle du programme d'envoi d'êtres humains sur la Lune. Oui, il est même d'ailleurs dans l'idée du précurseur, c'est-à-dire Tsiolkovsky, celui qui a imaginé les premiers vols spatiaux au début du XXe siècle. Et c'est vrai que les Soviétiques sont pragmatiques et sont obligés de tirer les conclusions de ce qu'ils observent. C'est-à-dire, sur 11 missions lunaires, seulement 3 ont réussi à ramener 330 grammes de roche. Donc, même s'ils ont réussi à envoyer un rover, le Lunarod 1, en novembre 70, qui a fait 10 km, et puis plus tard, le numéro 2, qui, dans la mer de la Sérénité, fera 37 km, Leonid Brejnev, tire la conclusion qu'il faut relancer l'intérêt, et en particulier l'audience sur le programme spatial. Et il en tire la conclusion qu'il faut arrêter les bagarres. Ce qui a coûté la Lune, c'est-à-dire la bagarre entre les constructeurs, entre les différentes sociétés, la division politique, doit cesser. Et il y a à ce moment-là 2 programmes, au minimum, 2 stations spatiales. Un programme qui est le bureau d'études de Tchelomei, plutôt proche des militaires et qui veut faire une station spatiale militaire, qui s'appelle Almaz. Et puis le bureau d'études de Korolev qui travaille sur un autre projet et Brejnev leur demande de rassembler leurs efforts. Et lorsque Salyut 1, donc la première station, est mise en orbite en 1971, c'est un mix entre le militaire et le civil qu'on voit apparaître. Donc un engin de 19 tonnes lancé par une fusée Proton, 100 mètres cubes habitables, 3 cosmonautes qui peuvent habiter à bord. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on a aussi dans la description de cette première station l'existence d'une mitrailleuse lourde destinée à tirer sur les Américains s'ils s'approchent. Donc on voit bien que on a là à la fois une vision de long terme qui est celle de d'entraîner les hommes, de voir comment on se comporte dans l'espace, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, personne n'a dépassé quelques jours dans les voyages lunaires, hein, Apollo. C'est un maximum de 10-12 jours, donc personne n'a vraiment fait des séjours de longue durée. Et puis, il faut tout tester, il faut tout imaginer pour faire le pas suivant. Et donc, Brejnev clairement dit, notre objectif numéro un, et c'est toujours été celui-là d'ailleurs, c'est pas la Lune, c'est finalement de préparer les hommes à explorer le cosmos. Ce qui est intéressant, Isabelle Sorbès-Verger, c'est que, pareil, on porte son attention principalement sur le programme Apollo, mais la NASA, elle aussi, a un programme de station orbitale assez tôt d'ailleurs, dès 1963. Oui, et d'ailleurs, là aussi, la NASA a un programme de station orbitale militaire aussi, potentiellement. En fait, il faut bien voir qu'au début du spatial, il n'y a pas énormément de choses différentes à inventer. Hein. La mécanique céleste et la condition de l'homme hors de la Terre, elle est la même pour tout le monde. Et ce débat de savoir quelle est la place de l'homme dans l'activité spatiale, c'est vraiment un débat très compliqué, parce que d'une certaine façon, les ingénieurs le voient comme un petit peu le maillon faible. Hein. L'homme, c'est compliqué de le faire vivre dans l'espace. Ça suppose d'avoir des moyens beaucoup plus redondants et donc plus chers, et puis on ne sait pas trop ce qu'il peut y faire. Et en même temps, si l'homme ne va pas dans l'espace et qu'il reste sur Terre, à quoi sert la conquête spatiale? Donc, si vous voulez, il y a toujours pour les uns comme pour les autres cette dimension. Donc la NASA, elle va se faire un petit peu piéger par le succès Apollo, et vous le disiez, le budget de la NASA va commencer à être réduit. Après, ce qu'il faut voir, c'est que le budget de la NASA, il était pharaonique, c'est-à-dire que vraiment l'idée de Kennedy, c'était Vatu, montrer la grandeur et la suprématie américaine, recréer le leadership, et à ce titre, ça n'avait pas de prix. C'est évident qu'à partir du moment où on a posé le pied d'un homme sur la Lune, et on voit bien la suite des missions, le seul géologue qui y va, ce sera le dernier, et tout compte fait, bon, c'est une mission qui a un petit peu cessé d'intéresser et les médias et le public, alors qu'elle continue à coûter très cher. Donc la NASA, elle revient sur ses fondamentaux, c'est-à-dire continuer à faire vivre l'homme dans l'espace, et c'est là qu'effectivement elle n'a pas cette autorisation de créer une station, d'où la rencontre Apollo-Soyouz qui va être faite en 1975, et dans le cadre de la détente, les acteurs politiques décident d'essayer de maximiser les investissements qu'ils ont déjà fait dans l'espace. Donc voilà, ça fait le grand tournant. Et on verra que finalement, les États-Unis, beaucoup plus tard, dans les années 90, vont commencer à se greffer sur Mir, et que petit à petit, on va aboutir à la Station Spatiale Internationale qu'on commence aujourd'hui. Mais ce programme qui s'appelait MOL, pour Manned Orbiting Laboratory, il est complètement abandonné. Il est mis de côté, il n'y a pas le financement pour ça, et la NASA va finalement voir les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'elle va proposer le programme de navette spatiale, avec l'idée que si elle arrive à vendre le fait de faire ce moyen théoriquement réutilisable et peu cher d'aller et venir dans l'espace, hein, parce que c'est de ça dont il est question, et bien derrière elle aura forcément la station. Et le piège, c'est que la navette se met à coûter tellement cher, on se met tellement à la vendre pour des tas d'applications qu'elle n'a pas. La navette, elle est censée faire la vérification des accords de désarmement, lancer les plus gros satellites qu'on puisse imaginer, devenir un moyen de lancement unique, et en plus de faire vivre des hommes dans l'espace en emportant des laboratoires. Donc c'est évident que plus vous faites du multimission, plus c'est cher, plus c'est difficile à gérer, et donc la NASA va se retrouver d'une certaine manière dans une impasse. La grande différence quand même, c'est que même avec des budgets, et c'est vrai qu'ils sont réduits, on est dans des ordres de grandeur qui sont immensément plus importante que ce que les Soviétiques ont jamais mis dans l'espace, même pour le programme lunaire. Il n'y a jamais eu véritablement un budget lunaire qui était comparable. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous continuons à parler dans cette deuxième émission consacrée au programme spatial soviétique puis russe. Nous en parlons avec Isabelle Sourbès-Verger et Alain Sirou. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, concrètement, vous le disiez tout à l'heure, Alain Sirou, hein, il y a deux objectifs concurrents qui vont finalement se réunir, hein, ces deux programmes Salyut et Almaz qui vont se supplanter ou se compléter plus ou moins l'un l'autre en fonction des échecs de l'un ou de l'autre. Mais en fait, si on regarde concrètement, et ça c'est assez surprenant, c'est que la première station spatiale de facto, c'est les premiers rendez-vous orbitaux entre deux capsules Soyouz, et ça se passe avant Apollo 11. Oui, c'est vrai. C'est tout le principe en fait des stations spatiales, c'est-à-dire ce sont quand même des systèmes de mécanos qui consistent à accrocher des éléments les uns à côté des autres et d'essayer de permettre à d'autres éléments de s'y greffer. Salyut, c'est un programme qui comprend 8 stations qui ont été lancées, ce qui est quand même beaucoup, hein. 4 stations de première génération jusqu'en 77, dont 3 militaires, et puis les fameux Salyut 6 et 7, dont Jean-Luc Chrétien, d'ailleurs, a pu visiter l'intérieur. Et ce sont des systèmes qui sont extrêmement sophistiqués, avec des ports d'amarrage pour les vaisseaux Soyouz qui transportent des hommes, des ports d'amarrage pour les cargos Progress, qui amènent du fret, avec de l'eau, de l'énergie, etc., etc. Des sas qui permettent des sorties extravéhiculaires, et on voit bien que au fur et à mesure de la complexification de ces stations, eh bien on augmente et les volumes et les quantités de lieux où on peut faire des expériences, les laboratoires spécifiques commencent à se créer. Mais sur les premières stations, ce qui est intéressant, c'est finalement le facteur humain, c'est-à-dire Isabelle parlait tout à l'heure de l'homme et de la difficulté de le faire vivre dans l'espace. Avec les stations Salyut tout d'abord, puis Mir ensuite, les Soviétiques vont tester le comportement des hommes à bord et la façon qu'ils ont d'y vivre. Et ça, c'est très très très compliqué. On ne sait pas grand-chose à l'époque. On ne sait pas qu'il faut faire du sport au minimum 2 heures par jour pour pouvoir rester en forme. On ne sait pas psychologiquement comment faire lorsque deux astronautes, deux cosmonautes, ce qui était le cas d'ailleurs des cosmonautes Berezovoy et Lebedev, ne s'entendent pas. Et quand ils vivent ensemble 211 jours dans une boîte à sardines totalement fermée, qu'ils ont des visites simplement, mais c'est tragique. Et le lien avec le sol et les informations qu'ils ont de leur famille devient à ce moment-là quelque chose d'extrêmement important. Bref, on teste tout. On teste absolument tout. La nourriture, le contact, les physiologies, la médecine. Et c'est à ce moment-là que s'installent les records de vols de longue durée, jusqu'à atteindre pratiquement un an à bord de ces stations qui étaient, somme toute, assez sommaires. Mmh. Ce qui est intéressant, là aussi, Isabelle Sourbès-Verger, c'est que c'est ce succès ou ces succès consécutifs sur les stations orbitales, ils vont se faire avec un certain coût et technique et humain, parce qu'il y a quand même au début beaucoup de ratés. Les premiers rendez-vous, il y a ce premier rendez-vous qu'on évoquait entre Soyouz 4 et 5, mais celui d'après, entre Soyouz 7 et 8, ça marche pas. Et puis quand on va envoyer Salyut 1, le premier équipage va pas réussir à faire son point de rendez-vous. Enfin, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de ratés sur le chemin. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a aussi beaucoup de difficultés parce que les Russes très souvent font la méthode du test, hein, c'est-à-dire que ils essaient et ils tirent les leçons des difficultés rencontrées ou des échecs. Ça va aussi leur donner une expérience absolument incommensurable dans, par exemple, les capacités de pilotage, les capacités de réparation en orbite, les capacités d'adaptation. Le recrutement des cosmonautes est quand même très très difficile, hein, physiquement, humainement, psychologiquement. Ils durent longtemps. Et tout ça, pour les Russes, c'est en quelque sorte la rançon. C'est une nécessité. D'où le titre, d'ailleurs, qu'ils reçoivent quand ils reviennent de héros de l'Union soviétique. Mmh. Ça fait vraiment partie de cette image de l'homme qui apprend à partir dans ce monde nouveau, avec en plus la rhétorique soviétique de la science, la technique, l'homme nouveau. Maintenant, très honnêtement, dans ces années-là, il faut bien voir que l'effacement un petit peu de l'Union soviétique sur la scène internationale par rapport aux États-Unis et surtout leur déficit de retentissement médiatique font qu'on en parle assez peu de ces stations. Et en réalité, l'effacement, parce que les États-Unis vont plus avoir d'hommes dans l'espace, finalement, de 1975 jusqu'au premier vol de la navette. Et c'est pas vu du tout et c'est pas présenté du tout comme une faiblesse ou comme un échec ou comme un retard par rapport aux soviétiques. Donc là, je pense qu'il y a une vraie question et une manière de traiter du spatial. Et j'aurais tendance à penser que dans le domaine des vols habités en particulier, il y a un acteur qu'on sous-estime très souvent qui est quand même le journaliste. Les médias, parce que véritablement ça va être eux la caisse de résonance, et si cette caisse de résonance elle joue pas, ben finalement le programme ça devient un programme technique. Quand vous regardez la manière dont on couvre les premières chinoises en particulier, ouais, c'est absolument incroyable. Ah ben là ils vont la semaine prochaine on va avoir effectivement deux vaisseaux et on va repartir, alors que finalement vous le disiez, les vaisseaux Soyouz ils ont fait ça, alors c'était pas les mêmes, mais ils ont fait ça dans les années 70. Donc ça, je pense que vraiment le rôle de l'acteur journaliste médiatique et qui est lui-même souvent passionné, il est essentiel. Oui, puis bon, on le voit même aujourd'hui encore sur le traitement du rover chinois qu'on évoque à demi-mot. Alors, on en parle beaucoup ici, on essaye, mais beaucoup moins que persévérance pour des raisons. Bon, bref. Oui, alors que l'exploit n'est pas le même. L'exploit n'est pas le même, certes. Et c'est une autre émission passionnante qu'il faudra faire d'ailleurs, peut-être, mais on avait déjà traité un petit peu. Un mot tout de même, parce que vous le disiez, Alain Sirou, hein, il y a deux programmes, Salyut et Almaz. Almaz, c'est la version militaire. Salyut, ouais, c'est la version civile, mais militaire aussi un peu. Enfin, on voit pas bien la différence. Et les deux vont se supplanter l'un l'autre, puisque normalement, le premier tir, ça doit être Almaz, qui est prévu le 22 avril 70. Mais l'un des modules n'est pas prêt, je crois. Quelle est la différence, en fait, un peu, entre ces deux programmes? Il y en a pas, enfin, il y en a sur la destination, mais les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde. Très clairement, les stations se ressemblent. La différence, c'est l'objectif. L'objectif de Almaz, c'est de pouvoir surveiller les mouvements des porte-avions américains, de photographier leurs bases militaires, de faire du renseignement, voire même des tests de destruction d'objets en orbite, ou étudier finalement avec dans le futur des lasers comment des détruire des cibles dans l'espace et considérer que l'espace est aussi un domaine d'affrontement. La réalité, c'est qu'en fait, il y aura trois saluts militaires, donc trois almazes qui seront lancés, mais on n'a pas beaucoup d'informations spécifiques sur ces expériences-là. Le programme est un programme militaro-industriel en URSS et on a du mal à distinguer ce qui est purement militaire de l'ensemble. Donc les forces spatiales russes gouvernent l'ensemble des moyens techniques, les cosmonautes sont pour une grande part issus des milieux militaires, il y a des expériences militaires, la différence se fait fondamentalement sur les expériences. On va voir arriver par la suite, aussi bien à bord de Salyut qu'à bord de Mir, des expériences d'astronomie en X et en ultraviolet, on va voir des expériences médicales, on va voir apparaître les premières expériences sur les matériaux par exemple, c'est-à-dire comment les matériaux en microgravité peuvent se développer. Donc c'est à partir de ces nouvelles applications que vont se développer de nouveaux modules aussi. Et l'arrivée plus tard des États-Unis, en particulier dans le programme russe et ex-soviétique, va donner des moyens supplémentaires pour pouvoir développer de la science. Donc le militaire reste fondamentalement présent, mais comme il l'est encore aujourd'hui à la NASA et dans la plupart des centres spatiaux, quoi. Isabelle Sourbel-Verger, à ce propos. Oui, et je pense que ce qu'on peut rajouter, c'est que le contexte international évolue. Et effectivement, il y a quand même une forme de détente et d'apaisement. Et l'idée que se faire la guerre dans l'espace va être inéluctable et pourrait être utile, ben finalement, à cette époque, on y renonce un peu. Il y a des tests en cité astélite qui sont réalisés et l'expérience montre que tout compte fait, on n'a pas intérêt, ne serait-ce que parce qu'on va utiliser les satellites, alors automatiques cette fois-ci, pour vérifier les accords de désarmement. Et la baisse de l'armement nucléaire sur Terre, elle se fait grâce à cette capacité de vérification. Donc finalement, tout le monde s'entend sur l'idée qu'il vaut mieux protéger les cibles dans l'espace. Puis il y a autre chose, c'est que, comme le disait Alain Sirou, les militaires, ils observent, ils font du renseignement depuis l'espace. Les Américains, eux, ils ont des systèmes de reconnaissance photographique, de satellites automatiques qui sont beaucoup plus performants, parce que l'électronique est beaucoup plus développée, parce que les moyens techniques et financiers sont beaucoup plus lourds. Donc, tout compte fait, cet équilibre qui est exercé en Union soviétique entre des besoins et des capacités militaires, de la vie général, ça devient bien cher par rapport à ce que ça apporte et donc l'idée de faire du militaire va s'affaiblir. En revanche, ce que l'Union soviétique va faire, c'est d'exploiter un petit peu en termes d'offres de visite, ce que là encore les Chinois s'apprêtent à faire, les capacités des stations et donc tout compte fait de proposer aux pays amis d'envoyer un de leurs ressortissants dans l'espace et on a des cartes, on avait fait ça dans l'Atlas de l'espace, on a des cartes où on voit bien les différentes nationalités qui sont invitées à aller faire un vol à bord des stations. Et nous, Français, on a aussi bénéficié de ces offres russes. Si on en revient à Salyut, le premier Salyut, donc on l'a dit, lancé 19 avril 71, problème, hein, le premier équipage n'arrive pas à s'amarrer, redescend sur Terre, le deuxième équipage y arrive, mais à son... Voilà, il va y laisser sa vie, Isabelle Sourbel-Verger. Oui, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe avec le deuxième, avec ce Soyouz 11? J'ai pas particulièrement regardé le détail du retour. Peut-être qu'Alain Sirou le sait mieux que moi, mais en fait, oui, le problème, c'est le retour au moment de la rentrée dans l'atmosphère. Oui. Qui est défectueuse. Alain Sirou. Oui, il y a trois hommes à bord qui ont passé 24 jours à bord du Salyut et c'est la première fois qu'ils vivent dans une station spatiale et déjà c'est un peu difficile. Il y a un feu électrique qui est déclenché, il manque de redescendre et au moment du retour, il y a malheureusement au moment de la séparation entre le Soyouz et le Salyut, des boulons explosifs qui arrachent une partie, enfin qui créent une petite fissure dans la capsule et les astronautes ne sont pas protégés par des combinaisons pressurisées. Ils sont nus, si je puis dire. Enfin, ils sont juste... ils ont des combinaisons normales, quoi. Et la capsule se dépressurise, donc ils meurent d'hypoxie assez rapidement. Et ces trois hommes, donc Volkov, Patsayev et Dobrovolsky, sont des victimes extrêmement douloureuses pour le système soviétique, parce que c'est le premier équipage à atteindre Salyut. Et c'est aussi quelque chose qui montre que il y a eu une impasse, l'impasse de la protection des astronautes, et donc on va revoir le Soyouz et on va équiper les cosmonautes de scaphandres, et on va passer finalement de 3 hommes à 2. Donc c'est un changement quand même extrêmement important, et ce premier drame va marquer l'ensemble du programme pour les années qui vont suivre. Non, je voulais dire, il va même marquer les Américains, il va marquer la communauté spatiale internationale. Et là, il y a des vraies manifestations de solidarité, parce que tout le monde réalise à quel point faire vivre un homme dans l'espace, c'est dangereux. Il y a plusieurs Salyut qui vont aller jusqu'au 4. Puis il y a déjà, en fait, ça s'appelle encore Salyut, Isabelle Sourbès-Verger, mais c'est une deuxième génération. Les modules changent, ça devient un peu plus grand et ça commence à arriver. Et c'est là où l'Union soviétique commence à avoir une véritable expertise qui va être essentielle pour la suite, pour Mir et pour l'ISS. Absolument, avec cette idée du mécano qu'évoquait Alain Siroux, et où là, finalement, on va concevoir la station par l'adjonction de différents modules qu'on envoie les uns après les autres, avec des spécialisations à l'intérieur de ces modules, si bien qu'on peut réaliser de la science, on peut réaliser des expériences, les premières expériences de microgravité, et la station progressivement prend de l'ampleur et avec des difficultés bien sûr, mais qui sont prévus, qui sont par exemple de remonter la station avec les vaisseaux Progress, parce que plus votre station est importante, et bon, plus vous avez besoin d'énergie, plus vous avez besoin de panneaux solaires, plus vous avez de force de frottement, etc. Et là, c'est vraiment le moment où l'Union soviétique démontre une capacité absolument unique au monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle sera quand même sollicitée quelque part lorsque l'Union soviétique disparaît par les Américains, qui note véritablement cette expérience pratique des Soviétiques. Avec également un changement d'orbite, je crois que les orbites remontent, on était en bord d'orbite très basse, finalement les orbites vont devenir les orbites qui sont celles de la station spatiale. Oui, c'est ça, les orbites remontent essentiellement pour éviter qu'il y ait trop de problèmes de force de frottement et que la station disparaisse, comme le disait le premier reportage, où la station elle disparaît pas, elle brûle dans l'atmosphère en fait quand elle revient. Donc on remonte les orbites, et cette inclinaison qui reste l'inclinaison qui est liée à la base de Baïkonour, et que aussi l'inclinaison de l'ISS. Donc il y a vraiment une immense continuité de ces infrastructures spatiales soviétiques qui vont marquer les programmes habités. Même les vaisseaux chinois ont des systèmes d'amarrage qui sont hérités de ces premières époques, alors adaptées, évoluées, etc., etc. Mais enfin, c'est vraiment le nœud de la suite. Alain Siroux, un mot sur ces différents programmes qui se font là aussi parfois avec quelques complexifications, quelques difficultés, des problèmes d'amarrage, justement, Soyouz qui est manifestement très compliqué à amarrer. Tout ça, ça va être petit à petit, comme vous le disiez tout à l'heure, les Russes apprennent au fur et à mesure du retour d'expérience qui les amène, les Soviétiques encore d'ailleurs à l'époque, à avoir cette expertise avant la station Mir dont on va parler dans la deuxième partie. Ah oui, c'est vrai, ils essuient les plâtres, mais vraiment à tous les niveaux, à la fois à bord de la station, Salyut, c'est quand même 5 ans, Salyut 6, 5 ans de fonctionnement avec des équipages permanents qui restent parfois 200 jours, des visiteurs, etc., mais aussi au sol. Il faut pas oublier qu'au centre de... Je crois qu'on a perdu Alain Siroux. Bah écoutez, ça tombe bien, on va faire une petite pause musicale et on va le retrouver à Baïkonour, où il faut pouvoir... Ah ben on a retrouvé, alors est-ce qu'on... Bon, Alain Siroux, je vais vous interrompre, on va faire une petite pause musicale parce qu'apparemment il y a un petit problème de liaison et on va reprendre, on va parler peut-être encore un petit peu de Salyut, pas beaucoup, mais on va surtout parler de la station Mir tout de suite. Thank you. émission Ondulation à 16h35 sur France Culture. Nous continuons à parler tout au long de cette heure pour la deuxième émission du programme spatial soviétique puis russe. Nous arrivons à la station Mir. Nous en parlons avec Isabelle Sourbès-Verger qui est géographe, chercheuse au CNRS et spécialiste des politiques spatiales, et Alain Sirou, directeur de la rédaction du magazine Ciel et Espace. Alors à défaut de voyager dans le temps et d'acquérir les compétences pour rejoindre une station orbitale, eh bien, il est malgré tout possible d'aller visiter l'une de ces stations pour se rendre compte bien de l'étendue des compétences soviétiques en matière de station spatiale. C'est précisément ce que vous avez fait avec Céline Lozen. Alexandre Morales, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Nicolas. Effectivement, ces stations, ce sont les témoins d'un véritable savoir-faire soviétique en matière de vol de longue durée. Elles ont par ailleurs inspiré la conception de la Station Spatiale Internationale, dont le premier module était russe. Alors avec Céline Lozen, nous sommes retournés voir Mathieu Bellard, qui est chargé de médiation culturelle et scientifique au Musée de l'Air et de l'Espace, pour qu'il nous fasse découvrir la vie d'un cosmonaute soviétique. Nous sommes allés en particulier sur le plateau dit des vols habités, qui est consacré aux humains dans l'espace, afin de nous immerger dans la vie à bord d'une station orbitale. Et ce, grâce à la maquette de la station Salyut 6 et à des images d'archives de la station spatiale Mir. On est actuellement dans le hall de l'espace, consacré donc à toute l'histoire de la conquête spatiale. Et là, on est devant une maquette à l'échelle 1/10 de Salyut 6, donc une des stations spatiales du programme soviétique Salyut, qui montre que c'est une de ses premières, enfin deuxième génération dans ce cas-là de station spatiale orbitale soviétique. Alors c'est vrai que ça peut paraître grand, c'est grand par rapport en fait au lancement d'un objet spatial, d'un vaisseau comme par exemple le Soyouz. Hein. On a un vrai vaisseau Soyouz qui revient de l'espace, donc c'est pas très grand, ils sont trois à l'intérieur, ils sont complètement comprimés. Donc comparé à ça, c'est effectivement assez grand. Par contre, il faut s'imaginer qu'ils vont rester plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les stations qui vont arriver ensuite, hein, comme par exemple la station Mir. Donc certes, ça paraît grand par rapport au lancement, mais en fait, si on vit longtemps là-dedans, on a vite fait le tour du propriétaire quand même. Et justement, ces stations-là, elles sont pas si grandes que ça, mais qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a comme lieu de vie, en fait, dedans? Bah justement, l'idée, c'est que c'est un lieu de vie. Donc ça veut dire que, bon, évidemment, vous allez être habillé à l'intérieur comme vous et moi. La combinaison de protection, il la porte pas. Donc il va y avoir tout un système qui va réguler la température parce que vous allez chauffer côté soleil, vous allez avoir froid côté ombre. Vous avez évidemment des panneaux solaires parce qu'il faut vous alimenter en électricité, donc on voit les panneaux solaires. Hein. Donc ça, et puis tout le système d'alimentation en vie parce qu'il va falloir de l'oxygène, il va falloir de la nourriture, il va falloir de la boisson. D'ailleurs, notre maquette, sur la gauche, très légèrement détachée, il y a le vaisseau Progress, un vaisseau automatique. Progress, c'est le vaisseau de ravitaillement, puisque les stations spatiales sont ravitaillées de manière régulière, justement pour apporter un petit peu de nourriture, des expériences scientifiques, et aussi ensuite pour mettre les déchets à l'intérieur, puis ça va brûler dans l'atmosphère. Alors donc ces stations-là, c'était des stations scientifiques à la base. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel à bord? Ça va dépendre des expériences. Donc on va voir l'aspect psychologique. C'est compliqué d'être dans cet endroit-là dans l'espace. Puis ça va être aussi les expériences sur le corps humain. On va se rendre compte au fur et à mesure que le corps humain, au bout d'un certain temps, on a une baisse de... une décalcification osseuse, une perte de masse musculaire, des problèmes d'équilibre. Bon, le mal de l'espace, on connaît, même sur les vols courts, ça arrive aussi. Des expériences aussi sur la vie animale, il y a des expériences avec des salamandres, si je me souviens bien. Des expériences aussi sur la cristallographie, sur les matériaux, voilà. Donc tout un champ d'expériences sur ce qui se passe lorsqu'on est en impesanteur. La station Mir, qui veut dire la paix en russe, c'est une station beaucoup plus ambitieuse que les programmes Salyut, hein, parce qu'on le voit, elle a plusieurs modules. Donc on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux que les programmes Salyut. C'est quand même un emblème de la permanence de l'être humain dans l'espace. Elle va rester des années et des années dans l'espace, et des êtres humains vont en permanence se relayer dans l'espace. Ce qui est un peu le cas de la Station Spatiale Internationale, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il y a des êtres humains dedans. Ça a commencé un petit peu avec la station Mir. Alors cette station, elle est quand même beaucoup plus grande que les stations Salyut. Qu'est-ce qu'on a comme spécificité sur celle-là par rapport à une Salyut? Alors déjà, vous avez plus d'espace de vie. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'on met dans une station spatiale, autant d'astronautes ou de cosmonautes, la cosmonaute parce que c'est des soviétiques, qu'il y a de vaisseaux qui permettent d'évacuer en cas d'urgence. Donc il y a beaucoup plus de possibilités de connecter en fait des Soyouz, donc ce qui fait qu'on augmente le nombre de personnes qu'on peut mettre dedans parce qu'il y a plus de place. On augmente aussi le nombre d'expériences scientifiques qu'on peut faire à l'intérieur. Et puis bien évidemment, il y a aussi quand même une part de prestige, puisqu'en mettant un objet aussi grand dans l'espace, c'est l'objet le plus grand à cette époque-là, hein. L'Union soviétique marque aussi ses capacités technologiques, puisque encore une fois, il faut bien s'imaginer qu'on est dans ces deux programmes qui ne sont pas les mêmes. Les Américains, c'est vraiment la navette spatiale, donc beaucoup plus de vols, mais des vols plus courts, alors que les Soviétiques maîtrisent les vols longs et donc vont battre des records au fur et à mesure sur la longueur. Cette station, comme on l'a dit, elle est plutôt grande. J'imagine qu'on ne l'envoie pas d'un bloc. Comment on envoie autant de morceaux dans l'espace? Comment on les assemble quand c'est là-haut déjà? On lance bloc par, enfin module par module avec des fusées puissantes, comme par exemple les fusées Proton pour les Russes. Et ensuite on les assemble. En fait, on s'est amarré dans l'espace de manière automatique. Donc voilà, c'est un amarrage automatique et on assemble au fur et à mesure. Puis vous avez des équipages qui montent à bord pour réaliser l'assemblage. Puisqu'en fait, faut s'imaginer que quand on regarde un module de Mir, finalement, c'est une petite Salyut du début. Donc vous pouvez être un équipage dans cette Salyut et ensuite cet équipage va participer petit à petit au montage. On voit la même chose avec la Station Spatiale Internationale. Si vous la regardez au début avec je crois que c'est Zvezda, le premier module russe qui était, c'était ça la Station Spatiale Internationale. Puis au fur et à mesure, on fait l'assemblage dans l'espace. Justement, là, vous avez parlé de l'ISS. Le premier module, il était russe. Ça montre qu'il y avait un certain savoir-faire de la Russie pour les stations spatiales. Ah oui, clairement. Les Russes ont pris énormément d'avance sur les vols longs. Ça, c'est clair et net. Ils avaient une expérience sur les vols longs que personne n'avait à cette époque-là. Plus d'un an dans l'espace, c'était que les Soviétiques. Et puis l'assemblage d'une station spatiale, c'était les Soviétiques qui l'ont eu. Parce qu'encore une fois, les Américains, c'est la navette spatiale. Et la seule station qu'ils avaient eue, c'était Skylab, mais qui était finalement des restes des missions Apollo. Donc ils avaient beaucoup moins d'expérience là-dessus. C'est clairement les Soviétiques qui avaient cette expérience-là. Voilà cette visite virtuelle des maquettes des stations spatiales russes. Peut-être une réaction simplement. Quelle est la transition que l'on peut faire justement entre Salyut et Mir? À partir de quand finalement ce programme Salyut est-il abandonné pour passer, pour voir plus grand, Isabelle Sourbès-Verger? Oui, alors la station Mir, c'est vraiment la marque de la maturité du spatial soviétique. Et effectivement, quand on dit que l'ISS voit ses deux premiers modules soviétiques, Zarya et Zvezda, c'est parce que c'était les doubles en fait des stations Mir, c'est-à-dire le double comme on fait toujours dans le monde spatial qui permettait de tester au sol et puis d'avoir une réplique. Et la station Mir, quand vraiment en 2000 il faudra la déorbiter, ça marque symboliquement tout à fait la fin d'une époque, la fin aussi de l'Union soviétique. On a discuté en 1991, quand l'Union soviétique a éclaté, de la possibilité d'aller coller en quelque sorte des drapeaux des différentes républiques, parce que finalement tout avait contribué sur la station Mir. Et donc, il aurait fallu mettre le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, etc., etc. Bon, la station, elle était en orbite, c'était difficile de faire quoi que ce soit. De toute façon, les Russes n'étaient pas vraiment d'accord. Mais ça a été sans doute le symbole le plus fort d'une réalisation technologique. Alors après, dans le reportage, je crois qu'on nommait deux choses. C'est le bruit. Ça fait énormément de bruit à bord d'une station. Ouais. Je crois que les odeurs ne sont pas très sympathiques non plus. D'ailleurs, ça manque un peu d'aération. Mais il y a un film, pour ceux que ça intéresse, que je trouve très utile, qui est Out of the Present, qui a été fait en 1995 d'Andrei Ujica, qui est un film allemand qui retrace la vie à bord de la station Mir. Elle est filmée directement dans l'espace par des caméras internes. Et en plus, ça se passe au moment où l'Union soviétique disparaît et où donc Krikalev se retrouve tout seul en orbite, en train d'apprendre que l'Union soviétique vient de disparaître. Et en plus, il y a un journaliste qui ose lui demander quel effet ça lui fait. Et là, franchement, la question, elle lui paraît complètement extraordinaire et totalement inadaptée. Et répond d'ailleurs, à mon avis, la seule chose qu'il peut répondre, il répond que de là où il est, de toute façon, il voit qu'une seule Terre et que les sous-frontières lui échappent complètement. Mais c'est un très beau film. Kiralev, qui est parti donc qui est parti en orbite depuis l'Union soviétique et qui est revenu dans la Fédération de Russie. Et qui du coup a eu moins moins de visites et moins de ravitaillement, et ouais. puisque là, le programme spatial soviétique n'est plus du tout financé ouais. à la fin de l'Union soviétique. Et ça, c'est vraiment extrêmement dramatique. Alain Sirou, sur ces débuts de Mir et sur cette finalement âge d'or de la visibilité du succès du programme spatial russe, enfin soviétique puis russe. Oui, Mir, c'est, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est un changement de dimension. On passe de 100 mètres cubes à 380 mètres cubes, c'est-à-dire on multiplie presque par 4 la capacité d'hébergement. C'est une station qui va fonctionner plus de 12 ans. Avec des rotations permanentes d'équipage, avec des visiteurs et des records. Le record de vol très très longue durée qui est réalisé en mars 1995 par Valérie Polyakov, qui est un médecin, 438 jours. 38, oui. Oui, 37. 37 et 18 heures. Allez. Voilà, exactement. on n'est pas loin du vol aller-retour vers Mars de 500 jours. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui est absolument considérable et qui va repousser jusqu'aux limites ce type de vol. Mais c'est aussi la station où on va tester, enfin, on va tester accidentellement, c'est le moins qu'on puisse dire, des catastrophes dont on va comprendre qu'elles sont extrêmement importantes. Il va y avoir l'Anus Horribilis de 97 où le 23 février, eh bien, il y a 6 personnes à bord. Il y a un problème sur le système d'oxygène. Il faut vraiment trouver un nouveau générateur. On utilise une sorte de bouteille de plongée qui contient du perchlorate de lithium et qui, lorsqu'il est chauffé, produit de l'oxygène. Et quand l'astronaute, le cosmonaute le déclenche, eh bien, une flamme jaillit et le feu se déclare à bord du module Quant. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à gérer. C'est un feu en impesanteur. Précisons que le feu en impesanteur, ça n'a rien à voir avec un feu sur Terre. C'est très différent et c'est très très dangereux. Et en quelques minutes, les fumées toxiques envahissent la station. Les cosmonautes se précipitent sur les masques qui ont du mal à fonctionner. Les extincteurs, certains ne s'enlèvent pas, d'autres fonctionnent très mal. Et le feu va presque, entre guillemets, s'éteindre tout seul. Mais c'est quelque chose qui est une alerte extraordinaire. Et quelques mois plus tard, ça sera le 25 juin 97, cette fois-ci, c'est un test d'amarrage manuel qui est réalisé par les Russes, qui consiste à approcher un vaisseau cargo Progress d'un module, et là ça rate. Il y a une collision entre ce vaisseau et un radiateur extérieur, un panneau solaire. Il y a un trou qui est fait dans un module, qui est le module Spectre, qui crée une perforation et une dépressurisation de la station. En quelques minutes, les cosmonautes doivent couper les câbles qui relient la station de ce module, qui assure quand même, avec ses panneaux solaires, pratiquement 40% de l'énergie de la station. La station perd une partie de cette électricité, elle se met à dériver, etc. Enfin, vous voyez, c'est l'accident gravissime. Et elle perd une partie de ses moyens. Donc, en très peu de temps, on a deux accidents majeurs qui vont à la fois alerter sur le fait que c'est pas un long fleuve tranquille que d'aller dans l'espace exploiter des stations, et ensuite qui vont, je dirais, prévenir ceux qui construisent la station spatiale internationale, qu'il faut mettre au point des systèmes extrêmement rigoureux sur l'approche d'engins qui viennent près d'une station, sur ce qui se passe à l'intérieur lorsqu'il y a un risque de feu, une dépressurisation, revoir tous les systèmes de secours. Donc on voit que Mir a servi, je dirais, de premier test extrêmement important, et à bénéficier d'un savoir-faire extraordinaire acquis pendant les expériences Salyut. Et puis Mir, c'est aussi, avant l'ISS, la première ouverture vraiment à la coopération internationale, le dégel complet ou quasi complet avec les États-Unis de Clinton. On commence à aborder un autre visage vraiment plus coopératif de l'espace, qui est celui de l'espace d'aujourd'hui, même si on pourra en discuter sur les dernières années. Oui, oui. La station Mir, c'était à la fois la paix et le monde, hein, et finalement, de 94 à 98, c'est aussi l'adaptation du shuttle, de la navette spatiale avec Mir, et le début de la transmission d'expériences de la NASA de la part alors des agences spatiales russes, Roscosmos à l'époque. Et là, finalement, on mesure quel est le poids de l'expérience pratique. C'est-à-dire que, comme le disait Alain Sirou, finalement, ce sont les catastrophes en elles-mêmes qui permettent de trouver des parades et surtout qui démontrent la capacité capacité d'autonomie, d'inventivité des hommes à bord. Et ça, c'était aussi quelque chose qui était beaucoup en débat. C'est est-ce que finalement l'homme est capable de se débrouiller face à des pannes techniques ? Et là, il démontre que oui, il y a, comme on l'avait d'ailleurs démontré en partie Apollo 13, mais il y a vraiment une possibilité. Et cette expérience Mir Shuttle, elle est, c'est peut-être le moment où l'Union soviétique a encore un grand sentiment de fierté nationale. C'est-à-dire que c'est eux qui apprennent aux Américains. Et ça, qu'est-ce que c'est exactement cette expérience Mir Shuttle ? C'est-à-dire qu'en fait, au moment où l'Union soviétique disparaît, dans les 2 ou 3 années qui suivent, la vraie décision politique américaine, c'est d'éviter que le complexe militaro-industriel soviétique s'éparpille, se dissolve, etc. Et donc de l'aider à survivre. Et pour l'aider à survivre, ils vont aller soutenir le secteur où eux-mêmes sont le plus en déficit, qui est le secteur du vol habité. Là où les Russes ont la plus grande expérience, alors que les Américains n'en ont pas. Et l'autre avantage, sans doute un petit peu plus pervers, c'est que le vol habité, ça n'a pas d'implication stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez conforter des capacités russes sans prendre de risque sur votre propre sécurité nationale à terme ou sur un risque de compétition. Donc, la création avant le lancement de la Station Spatiale Internationale de compétences communes et, je dirais, d'amélioration progressive des expériences américaines. Et donc, on fait voler la navette et on a cette double liaison entre la navette et la station Mir. Si bien que, là encore, les Américains découvrent que finalement, les Russes font beaucoup de choses en manuel. Là où, aux États-Unis, on a des systèmes automatisés avec des ordinateurs qui n'ont rien à voir avec des ordinateurs russes, des redondances, et puis des moyens financiers qui, là encore, sont pas du tout du même ordre. Et cette coopération, elle est vécue, je me souviens très bien, à l'époque en Russie, elle est vécue avec beaucoup de fierté, parce que le secteur spatial, il n'est plus financé. La Russie, quasiment pas. La Russie est financée, enfin, le spatial russe est financé par la coopération internationale. Donc, d'abord avec les États-Unis, en partie avec l'Europe, un petit peu par les Chinois, qui commencent aussi à acquérir des compétences dans le domaine des vols habités. Et là, c'est la démonstration, finalement, que cet investissement qui a été réalisé dans le secteur spatial, il est au moins bénéfique à l'image de grandeur de la Russie, d'où je pense aujourd'hui quand même ce traumatisme à l'idée que si une station se fait autour de la Lune et que les Américains invitent plus ou moins les Russes à venir, de toute façon, là, ça devient des partenaires mineurs. Et ça, c'est difficilement acceptable. C'est vraiment une page qui se tourne. Mmh. Alors qu'à cette époque, la station Mir, c'est ce qu'on fait de mieux. Oui. Alors, il y a la station de Mir. Il y a autre chose qui va quand même se maintenir et jusqu'à encore plus longtemps que la station Mir, puisque, n'en déplaise à Paco Rabanne, la station Mir est tombée et n'a pas provoqué d'apocalypse. Mais néanmoins, blague à part, Soyouz, Alain Sirou, Soyouz va rester pendant très longtemps après les 2 accidents de la navette spatiale, le seul et unique moyen d'accès de l'homme à l'espace. Et ça aussi, c'est un succès russe. Oui, c'est pas le moindre des paradoxes, oui. Parce que Soyouz, c'est un système, en fait. C'est un système. Alors, j'ai cherché pour être très précis le nombre de lancements Soyouz réussis où on était aujourd'hui. J'ai du mal à le trouver. On est entre 1900 et 2000 vols, ce qui est quelque chose d'absolument considérable. Donc, on a 3 versions de Soyouz et la dernière version est celle qui fonctionne aujourd'hui. Donc, il y a différentes étapes, mais c'est, alors, on pourra utiliser ce qu'on veut. C'est la 2 chevaux de l'espace ou la 4L de l'espace, je ne sais pas exactement, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment perfectionné et qui a permis aussi à la Russie de commercialiser ses vols. Et on voit d'ailleurs la présence du Soyouz en Guyane qui envoie régulièrement des satellites et on voit que ce lanceur dispose encore de sérieux atouts. C'est vrai que ce paradoxe a été le moment où les États-Unis ont été privés de vol, donc pendant très longtemps quand même, et seuls les Soyouz étaient capables d'accéder à la Station Spatiale Internationale. Donc l'ascenseur était russe dans une copropriété largement dominée par les Américains. Donc c'est là où l'on voit, je dirais, l'importance du lien et de l'ambassade qu'est le spatial. Et moi, il y a une image que je garde, mais c'est celle à l'époque de Mir où François Mitterrand, en 88, va à Baïkonour pour le second vol de Jean-Luc Chrétien, où la presse le suit et découvre sur ce site absolument incroyable, qui a la taille de, c'est le quart de la Belgique en superficie, découvre une fusée gigantesque qui s'appelle Energia, découvre une navette qui s'appelle Buran, découvre plus d'une dizaine de pas de tir et découvre pour la première fois de nos yeux quelque chose qui était inimaginable, qu'on avait connu, certes, en termes d'information, mais on n'imaginait pas que ça pouvait ressembler à ces dessins d'Enki Bilal où l'ensemble d'un géant s'était effondré, s'était arrêté. Et le jour où on avait coupé les crédits, des milliers, des dizaines de milliers de personnes étaient parties en laissant sur leur table les crayons, la règle à calcul. Donc, on s'est rendu compte à ce moment-là de l'énorme effort et du tragique, comme le dit Isabelle Surbès-Verger, de ce moment où l'Union soviétique et la Russie ont perdu leur prédominance. Alors, pour parler dans les quelques minutes qui nous restent, on a fait deux émissions, peut-être pas une troisième, mais un mot, et on en a parlé aujourd'hui, Isabelle Surbès-Verger, la Russie n'a plus vraiment d'ambition spatiale. Ils disent qu'ils veulent se retirer de l'ISS en 2025, où l'ISS ne va pas durer beaucoup plus longtemps que ça. Maintenant, ça veut dire que c'est la Chine qui soutient tout. La Russie peut avoir une nouvelle jeunesse spatiale grâce à la Chine. La vraie difficulté pour la Russie, c'est de trouver un projet politique. C'est-à-dire, en fait, que faire dans l'espace qu'ils n'ont pas déjà fait et qui fasse sens. Pour la Chine, c'est assez simple. Hein. Il suffit de faire les choses qu'ils ne savent pas encore faire et de les faire le mieux possible et de montrer que effectivement le hiatus qu'il y avait entre ce qui se faisait dans les années 70 et ce qui fait dans les années 2020, eh bien la Chine, elle arrive et elle fait aussi bien que 2020. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. La Russie, elle, il faut qu'elle trouve une raison de relancer un programme spatial pour lequel elle a quand même beaucoup sacrifié sur le plan financier à l'époque de l'Union soviétique, mais qu'elle sous-alimente et qu'elle sous-finance depuis très longtemps. En particulier, la science spatiale a été vraiment massacrée quasiment par le régime russe. Donc, il n'y a pas, au niveau du président Poutine, un grand élan. Et la question pour les Russes, c'est finalement de jouer avec les Chinois tout en gardant une stature internationale et une stature de fierté nationale. Et les Chinois, ben effectivement, eux, de leur côté, c'est de continuer à démontrer leur indépendance. Donc là, on va voir se jouer essentiellement, je dirais, un jeu diplomatique très important entre la Russie, qui ne peut pas arrêter de faire du spatial. Elle ne peut pas disparaître. Ce n'est pas possible en termes d'image et de fierté nationale. Mais il faut qu'elle trouve quoi faire qui fasse sens. Est-ce qu'elle peut, Alain Sirou, pour conclure, apporter, faire encore du transfert de compétences, ou est-ce que bien depuis Mir et depuis sa collaboration à la Station spatiale internationale, il n'y a plus vraiment de compétences à transférer? C'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, le travail à bord de l'ISS a montré que tous les partenaires avaient des atouts. L'Europe, le Canada, le Japon, les États-Unis, etc. C'est vraiment une copropriété en orbite. Et c'est vrai que les Russes, aujourd'hui, ont un cruel manque de moyens financiers aussi. Pas seulement les compétences, mais aussi les moyens financiers, même s'il y a eu une restructuration du secteur spatial. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour eux d'apparaître dans un projet. Ils en ont beaucoup, ils en affichent beaucoup, mais on peut voir simplement sur des projets comme l'exploration martienne en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, qui a beaucoup de retard, qui a des difficultés, qu'au sein même du spatial russe, aujourd'hui, il y a besoin d'une perestroïka et de quelque chose de nouveau. Donc ce sera difficile, ce sera compliqué, mais je suis d'accord avec Isabelle, ils ne peuvent pas abandonner. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus poursuivre cette conversation sur la grande aventure du programme spatial russe. Merci Isabelle Surbès-Verger, merci beaucoup Alain Sirou. Un mot pour vous dire tout de suite que ce soir et tout au long de la semaine, vous pouvez suivre le À Voix Nue consacré à Boris Cyrulnik, produit par le camarade Antoine Beauchamp. C'est l'intégralité des 5 épisodes est d'ores et déjà disponible sur franceculture.fr, et sinon c'est tout au long de la semaine, ce soir à 20h sur France Culture. Merci donc à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Natacha Trillou, Alexandre Morales, Céline Lausanne, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard, à la réalisation, d'Alia à la technique. Demain, nous allons explorer les endroits les plus inaccessibles de notre planète. Ce n'est pas l'espace, c'est l'inverse, c'est direction les fonds océaniques. Comment cartographier précisément ces immenses plaines submergées au fond des océans sans lumière à des profondeurs difficilement atteignables? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. C'est l'histoire d'une météorite vieille de 4,5 milliards d'années, ou celle terrifiante de la momie Chachapoya, celle encore du crocodile qui mangeait des dinosaures, ou de la Vénus de l'Espugue, sculptée il y a 23 000 ans dans de l'ivoire. Elles sont curieuses, toutes ces histoires. 40 objets, 40 histoires qui nous embarquent loin, une coproduction France Culture et Muséum National d'Histoire Naturelle,